trouver la bonne gamme, après tu le mets en transmission. Ouais, il faut trouver la bonne gamme, d'accord ? Presque. C'est presque ça. C'est presque ça. C'est presque ça. Tu pars sur le 1, Sharon. I see the crystal. And the beauty of me is when the sun can shine in room to make those roses in my mind. Allez, c'est dur avec moi. Attends. Je vais me mettre un peu en solo et je voulais jouer. Allez, j'y vais. Thank you. Petit décalage chez moi, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai un décalage, alors est-ce qu'il y a trop de monde, je sais pas. Just what you offer. Thank you. We'll be right back.